Chapitre 8e, heure d'angoisse. Plus d'hélices, cria l'ingénieur, et plus de vivres, répondit, comme un écho funèbre, la voix de sans patience. Et les deux hommes, bouleversés, se regardèrent avec angoisse. Cette fois, il ne s'agissait plus d'une panne anodine, ni d'un arrêt plus ou moins long. Ils étaient cloués là, sans rémission, et voués, impuissants, au péril du flot, de la tempête et de la faim. Ils échouaient au port, pour ainsi dire, car qu'était-ce que cette distance de 500 ou 600 kilomètres qui leur restait à faire pour eux qui venaient d'en franchir des milliers? On eût dit que, pour punir ces audacieux de leur entreprise téméraire, l'immensité avait choisi le moment où, touchant le but, ils se croyaient sûrs du succès. Mais ces deux hommes n'étaient pas des natures vulgaires. Sans patience, le premier se secoua. Il eut sa première crise de colère depuis 2 jours. Il trépignait en montrant le poing au flot. « Ah, c'est comme ça !» criait-il. « Le vent et la mer m'en veulent, décidément. Mais ils ne me connaissent pas. J'arriverai malgré eux, je... » Un paquet d'embrun qui lui arriva dans la figure interrompit net ses imprécations. Pendant le temps qu'il s'essuya, sa colère tomba, mais non sa résolution. « Allons, » dit-il à l'ingénieur, « il ne s'agit pas de perdre la tête. D'abord, comment l'hélice est-elle partie? S'est-elle détachée? S'est-elle brisée? Impossible de le savoir, » répondit l'ingénieur. Pour pouvoir s'en rendre compte, il faudrait s'avancer sur le devant du fuselage. Ce que, comme nous le sommes, ce ne serait pas très aisé. Du reste, cela n'aurait pour nous qu'un intérêt relatif. Nous n'avons plus d'hélice, voilà le fait brutal. Si nous possédions encore des vivres, le mal ne serait pas sans remède, car nous pourrions attendre un secours peut-être problématique, mais possible néanmoins. Attendre, nous le pouvons tout de même, dit tranquillement sans patience, qui venait de se livrer à une sorte de perquisition sous les sièges dans le coffre à outils. Voilà toujours 3 boîtes de sardines, 4 boîtes de poulet en gelée, la moitié d'un pain un peu dur et 2 bouteilles de Bordeaux. J'avais enlevé tout cela de la manne pour pouvoir y caser une de mes pelisses, dont je me suis débarrassé ce matin. Vous voyez qu'il fait bon ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Avec ça, dit l'ingénieur, on peut vivre à la rigueur 3 ou 4 jours. Sans compter qu'il nous reste 10 litres d'eau douce. Nous pouvons donc voir venir. Notre appareil n'est pas encore tout à fait l'aéroplane de la Méduse. Avisons donc. D'abord, où sommes-nous? L'ingénieur sortit une carte et la consulta quelques instants en réfléchissant. On ne peut rien dire de certain, répondit-il. Mais nous ne devons pas être éloignés de plus de 500 à 600 kilomètres du continent américain. La question qui se pose est celle-ci. Sommes-nous ou non dans le courant polaire? Si oui, nous pouvons avoir quelque espoir, car ce courant nous véhiculerait vers le sud, et même le sud-est. Sinon, cette bourrasque va nous rejeter dans l'est, et peut-être dans le Gulf Stream. Et pas moyen de savoir où nous sommes, ce que nous devenons, si nous dérivons à l'est ou à l'ouest? Aucun moyen. Nous pouvons penser pour l'instant que le vent nous chasse vers l'est, mais c'est tout. Une autre question. Sommes-nous sur le passage des navires? Pour dire les choses comme elles sont, je ne le crois pas. Comme je l'observais hier, si nous n'avions pas dévié de notre direction ouest car sud-est, nous devrions être à présent dans les environs du 40e degré de latitude nord, c'est-à-dire à peu près à la hauteur de New York. Mais nous avons déraillé, c'est incontestable. Nous avons même déraillé de beaucoup, de 5 ou 6 degrés au nord, peut-être plus. Nous serions à la hauteur de la Nouvelle-Écosse, près du grand banc de Terre-Neuve, que cela ne m'étonnerait pas. Et dans ces parages, les paquebots sont rares, plus rare à coup sûr qu'à la hauteur de New York. « Diable ! » fit sans patience. Quand sans patience disait « Diable », c'est que la situation était grave, il ajouta. « Alors, que pouvons-nous espérer ? » ?»« Est-ce qu'on sait jamais ?» répondit l'ingénieur. « Sans trop espérer, moi je ne désespère pas tout à fait. La mer nous porte durement, c'est vrai, mais enfin nous flottons, et nous avons des vivres pour 3 ou 4 jours encore. Quand nous n'aurons plus de vivres, on verra. » En attendant, ne jetons pas le manche après la cognée. Et dire, grommela sans patience, en serrant les poings, et dire que cette avarie absurde du début, ce fil d'allumage coupé, qui en nous retardant 12 heures, est cause de tout le mal. Le grain de sable, conclut philosophiquement l'ingénieur, petite cause, grands effets. Alors, il n'y a rien à faire. Que voulez-vous faire? Sans hélice, notre aéroplane n'est plus qu'un inutile assemblage de bois et de métal. C'est la seule avarie qui ne soit pas réparable. Notre sort est entre les mains de Dieu. Le temps restait mauvais, mais toutefois, la mer ne grossit plus. Heureusement pour les aviateurs en détresse, ils n'avaient pas affaire à une véritable tempête, mais à une violente bourrasque. Leur position n'en était pas moins très incommode, du fait du roulis imprimé par le flot à leur appareil, lequel, n'étant pas construit pour la navigation, ne pouvait que s'élever très lourdement à la lame, non sans oscillation en sens divers. De plus, ils étaient inondés d'embrun. Vers le soir, la pluie cessa, mais le vent se maintint et la mer ne cessa pas d'être dure. Ce fut ainsi qu'ils passèrent la nuit. Malgré leur fatigue, les quelques heures de sommeil qu'ils purent prendre furent entrecoupées de réveils subis causés par les secousses. Sans compter que leur fourrure était transpercée, ils souffraient du froid. Vers 4 heures du matin, sentant qu'ils ne pourraient plus dormir, l'ingénieur mit pendant quelques instants le moteur en mouvement afin d'envoyer un peu de chaleur à leur chaufferette. Le temps se maintint ainsi toute la journée du 19. Le vent ne cessa de souffler que vers le crépuscule et peu à peu la mer se calma. Les deux aviateurs purent enfin dormir cette nuit-là. Dès que vint l'aurore du 20, son patient soumit à son ami l'idée d'établir un observatoire entre les ailes près du pavillon. De là, on domina un peu la mer et l'on aura plus de chance de voir un navire s'il en passait un à quelque distance. Toute la journée donc, les deux amis montèrent ainsi la garde à tour de rôle. Hélas, la nuit vint sans qu'ils aient rien vu qui ressemblât à une voile ou à de la fumée. Le temps restait incertain, mais dans le ciel nuageux, on apercevait parfois des coins de bleu. Toutefois, vers le soir, un brouillard épais s'étendit sur la mer. Il devait durer une partie de la nuit. Quant au crépuscule, se rendant compte que l'horizon était décidément bouché par la brume, l'ingénieur descendit de son observatoire. Sans patience comprit à son visage qu'il n'avait plus d'espoir. Il ne leur restait plus alors qu'une boîte de poulet engelé, un morceau de pain dur, une bouteille de Bordeaux et 2 ou 3 litres d'eau douce. En grand jour, et ce ne serait plus seulement la faim qui les menacerait, mais encore la soif. Pourtant, ces deux hommes eurent le courage de ne pas se communiquer leurs appréhensions. Seulement, ils se serrèrent silencieusement la main, et devant la grandeur du danger qui menaçait si brusquement d'anéantir leurs efforts, bien près d'être couronné du plus éclatant succès, qui risquait même de les engloutir, là, stupidement, leurs sentiments chrétiens leur dictèrent leur suprême devoir. Avant d'essayer de dormir, tous deux prièrent, implorant la toute-puissante intervention de celui qui seul pouvait les sauver.